Le vif de l'histoire, Jean Lebrun, première d'une série de chroniques consacrées aux femmes du Panthéon avant l'entrée de Joséphine Baker le 30 novembre. Le lieu est dédié depuis longtemps à une femme, c'est Sainte Geneviève. C'est la patronne de Paris. Comme elle avait gardé les troupeaux à Nanterre, on l'a mis à garder un autre troupeau, Charles Péguy. En réalité, même si elle est née en effet à Nanterre, disons en 420, ce n'était aucunement une bergère, mais issue de l'aristocratie gallo-romaine, une grande propriétaire. Elle avait vu se décomposer l'Empire romain et ses derniers souverains se déconsidérer. Ils se nommaient, vous savez, Olibrius, Romulus, Augustule. Vois cette ligne, Geneviève, entre les deux forêts, là-bas, où les barbares vont venir, Paul Claudel. En 451, elle avait exhorté les habitants de Lutèce à ne pas se débander, alors quls étaient menacés par Attila et les Huns. Près de 50 ans plus tard, elle contribua largement à convertir Clovis et ses Francs, qui brûlaient de faire de Lutèce leur capitale, Paris. Alors ajoutez à sa longévité exceptionnelle ses capacités de thaumaturge, c'était une personnalité inouïe. Le sommet de la montagne Sainte-Geneviève est depuis très longtemps occupé par une basilique qui porte son nom donc, et qui va être reconstruite dans la deuxième moitié du XVIIIe. N'avez pas oublié que le roi Louis XV se vautrait dans l'adultère avec Madame de Châteauroux. Il tomba très malade à Metz et fit le vœu, s'il guérissait, de reconstruire cette basilique. Revenu à Versailles, il confia ce soin au frère de sa nouvelle maîtresse, Madame de Pompadour, qui choisira Soufflot comme architecte. Et Soufflot mourra en 1780 sans que les travaux soient achevés. Et la basilique n'est pas encore consacrée. Quelle est laïcisée en Panthéon, 1791? Ouais, mais sa vocation est marquée par l'incertitude, comme son architecture par la fragilité. Alors, Voltaire entre en 1791, Rousseau en 1794, fort bien, ça c'est le volet Panthéon des Lumières. Mais l'autre, le Panthéon pour les révolutionnaires contemporains. Il faut en fait assez vite dépanthéoniser Mirabeau pour monarchisme dissimulé, Marat très vite au bout de 5 mois pour extrémisme avéré, et Napoléon va être enclin à ne plus choisir que des militaires. Et d'ailleurs, il restitue le monument à sa première vocation d'église. Et au milieu de tous ces aléas autour des grands hommes, la réputation d'une femme, Sainte Geneviève, donc apparaissait plus durable. Alors les révolutionnaires avaient confisqué la châsse qui contenait ses reliques pour les brûler, afin d'expier le crime d'avoir propagé l'erreur et entretenu le luxe des fainéants du clergé. Mais à partir de la Restauration, l'Église, dans un processus de réparation, a inventé au sens propre de nouvelles reliques. Le Panthéon est redevenu basilique en 1815, puis suivez, 1830, Louis-Philippe lui a rendu son rôle de temple des grands hommes, sans y installer quiconque. Le prince président Louis-Napoléon Bonaparte, à son tour, 3 jours après son coup d'État, 1851, l'a restitué à l'Église. Mais non seulement la Troisième République débutante n'a pas touché à ce statut, mais elle a commandé tout un programme de peinture, de Puvis de Chavannes notamment, qui représente Saint-Louis, Sainte-Jeanne d'Arc. Et enfin est venue la décision de 1885, ancrant le grand vaisseau sépulcral dans sa vocation actuelle et y portant Victor Hugo, le premier panthéonisé absolument durable. Demain, nouvelle chronique sur les femmes du Panthéon. Ce sera Marie Curie. Bonjour Mathieu Vidard. Oui, bonjour Bruno. La Terre au carré, quel est le programme? L'écoféminisme. Ouais, à tout de suite. France Inter.